Go, go, go, go, go. ¿Cómo puede ser un español? Perro. Ahora. Perro, perro. Sí, yo. Perro infiel. Enmascarado. Claro. Y de ahora, ahora, hombre. Masticado. Quiere. Quiero. Diga una poesía. Les visions du mystique font honte au juste. Cállate, por favor. Le vandalisme. Cállate, por favor. Peut-être que cela fera partie de la colle illusionnant l'univers sans conséquence. Sans quoi ce clivage du traquenard userie de sa scie enjôleuse ou anguleuse afin non pas d'enlever le ciment mais de laver ses entêtes tâtées. Peut-être alors que c'est pas dit, hein, celle-là, cette démarcation bien trop légale et scotchée aux volutes pas clairement calquées sur l'impression qui n'en finit pas d'avoir l'initiale des rencontres rougissant dans les monts à ses mains vides. Peut-être ainsi sans corde la flamme des lampes à tuiles chercheuses d'hommes à crocs ou à poils longs pendant que se déroule l'échelle pour effraction sentimentale parmi les tonneaux du mépris constructeur. Par abondance, passivité, puis jalousie dérobée. Peut-être donc, pour en revenir à l'alcool, si sanguin celui se sirotant, avec les reins en plein twist, celui se confondant avec les semences adhésives. À lécher ou bien à jeter au bout du caoutchouc protecteur des liaisons d'une bienveillance originelle. Ça engrosse grave au graveur. Inconnu des S, de quelques conquistadors déjà énormément carrés, car au regret de Payen, la marche en plein macadam maternel, les gènes s'ajoutent pour s'assujettir comme au col de l'idem. À toi, Manuel. À toi, Manuel. Vandalisme de l'imagination des magistrats, des chars, des filles, et la genèse de la mémoire, qu'il me ornote à mille lobes. Hace un minuto aproximadamente, me gusta escribir un comentario. Déjà les jours se plissent comme une serviette. D'accord. On s'endorme les colombes. Déjà fume les petits photographes. Que ce soit moi ou que le fait de sa présence annoncée soit dénommé Sébastien. Les actrices ont formellement protesté d'avoir à lire mes textes sur lesquels... Yeah. Nez Carlos. C'est Manuel. Média, de magie à la mémoire. C'est... I will put a spell on you. Salive. Oh, et dans cette mer, la mer qui n'est qu'un coquillage, le coquillage qui n'est qu'une perle, et la perle secrète, mystère du langage, qui n'est même pas capable de retenir la rivière vive de la vie. Tu vas faire un gros dodo, Manuel. Oui, je peux parler en français ou en espagnol. Si, si tengo. Oh non. Hasta lo des. No, but. A la des sang. Si, si tengo. You are considered. Si, si tengo. Hey, come on, dame una poesía. Oh, sorcière, j'adore. La négresse chatte, doit d'art fatal. Oh, sinon, il y a quelque chose de moins. Une sorcière à dire, quoi. Affamée. C'est. Oh, c'est quoi? Nous, artistes. Nous sommes des instruments à vivre en musique, combattre afin d'honorer les morts. On leur a scotché les yeux pour pas qu'ils nous voient. Les rouges gorges parfois aussi, ils déposent leurs feuilles au guet. Au passage, des pièces sont exigées. Selon ses viscères, le domaine dévore la carte des mers. Il est nécessaire, en somme, d'arborer les héritières carbonisées. S'agissant de la blanche jument, c'est l'enfant qui lui a parlé. Cloué dans l'incandescence, le destin des comètes. En cela, la confiance crypte joliment nos gènes. Tout s'obstine à hurler en chaque creux. Ainsi, le désir déchu éclaire enfin la liberté. L'instrument à vivre devient donc pertinent. Au lever des Catherine, mon départ est la chasse aux feuilles. C'est elle qui a décidé de la nourrir, elle voulait de l'aider. Et pour la chasse d'arche, j'avais des sardines à la tomate. L'assiette en porcelaine pour les invités. Et Catherine pensait recevoir un invité la chasse d'Occure. Tu as savé l'accident, la logique d'agir. L'éclat sec. La pluie. Louer au lier.